avec une tendance légèrement au-dessus de la normale climatologique. Les perspectives du climat au cours de cette saison ne sont pertinentes que pour des échelles de temps saisonnières et des zones relativement grandes. Des variations temporaires et spatiales pourraient se produire. Par exemple, des périodes de fortes pluies qui pourront être entraînées des inondations ou glissements de terrain dans les régions susceptibles d'avoir des précipitations supérieures à la normale climatologique. En outre, des périodes de faible pluviosité pourront se produire dans les régions d'Imbo, Boragane, Bugesera, Boeru, ainsi qu'une partie de la région d'Okumoso, susceptible de connaître une pluviométrie au-dessous de la normale climatologique. Les grandes quantités de pluie seront probablement enregistrées au cours du mois d'avril. La distribution dans le temps et dans l'espace au cours de cette saison sera probablement généralement bonne. L'étude montre que la fin de la saison pluvieuse, pendant la saison culturelle B, se situe au cours de la première quinzaine du mois de mai. Dans certaines parties du pays, les pluies devraient se poursuivre jusqu'à la deuxième quinzaine du mois de mai 2017 et certains secteurs pourraient tirer profit au maximum des bonnes pluies attendues en fonction de leur niveau de préparation. C'était Aloïse Rouanige, directeur de la météorologie à l'Institut géographique de Burundi. Une pénurie d'engrais chimiques fait parler d'elle dans la province Karusi. Les agriculteurs restent avec leur ticket de paiement et déplorent la fraude de ce fertilisant qui leur était destiné. C'est ainsi que les responsables de l'administration et de la police dans cette province disent avoir pris ce jeudi une stratégie pour faire face à cette spéculation de certains distributeurs de ces engrais. Blaise Pascal Kararoumié pour les détails. La pénurie de l'engrais chimique se fait parler dans toutes les communes de la province Karusi et cela est confirmé par les responsables de l'administration et de la police. C'est ainsi qu'ils ont tenu ce jeudi une réunion à l'intention de tous les intervenants dans la distribution de ces fertilisants qui sont déjà payés par la population. Une réunion pour lutter contre la fraude indique les responsables de la police et de l'administration. Le commissaire provincial de la police affirme que c'est inconcevable que les agriculteurs restent avec leur ticket de paiement de cet engrais au moment où le fournisseur de ces fertilisants a déjà déposé dans la province plus de 1000 tonnes de ces fertilisants. Le commissaire et certains administrateurs indiquent qu'ils ont eu déjà l'information comme quoi une partie de cet engrais a été vendue dans la province de Ngozi et à Muyinga. Certains disent que cet engrais serait même parti jusqu'au niveau de Rwanda et en Tanzanie. C'est ainsi qu'avec cette réunion, ils ont arrêté des mesures comme quoi chaque stock qui est au niveau de chaque zone de la province devrait avoir deux cadenas, dont un cadenas qui devrait être donné par l'administrateur communal et qui doit assurer le suivi dans la distribution. Ils ont aussi arrêté comme mesure que tout véhicule qui se verra chargé de ces fertilisants après 18 heures sera directement acheminé à une position de la police. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Et la pénurie de fertilisants est également signalée en province Ngozi où les agriculteurs attendent en vain devant les dépôts des engrais. La réponse qu'ils reçoivent est que les stocks sont épuisés, mais que des camions contenant d'autres fertilisants sont en cours de route. Certains habitants de la zone Mivo, en commune Ngozi, déplorent le fait que les sacs de 25 kg distribués ont été vidés jusqu'à 20 kg. Ces agriculteurs demandent plus d'efforts afin d'éviter le retard de cette saison culturale. Il est 13h10 à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rendons-nous maintenant à Arusha où nous retrouvons notre envoyé spécial qui nous rapporte que le dialogue interburundais se tient à Arusha en Tanzanie et effectivement repris ce vendredi. Les délégations qui étaient attendues sont arrivées, notamment celle du CNDD-FDD et Dr Jean Minani de la plateforme de l'opposition en exil Senared. Ce dialogue se termine dimanche 19 février et non, 18, et non samedi le 18 comme initialement prévu. Et donc, le grand absent reste le gouvernement burundais, je l'avais dit dans les titres, bien que précisant avoir reçu l'invitation du médiateur, alors que celui-ci dit n'avoir pas été invité. Bujumbura, Joseph Sabiyabandi, nous venons de le joindre au téléphone et c'est Mireille Kanyang qui vient de le joindre. Les activités du dialogue ont commencé par une plénière dans laquelle toutes les délégations ont été conviées, sauf celle du CNRED. La délégation du CNRED, pilotée par Dr Jean Nani, est celle du CNDD-RDD, avec comme chef de file Évariste Ndoyichimiye, qui était attendu jusqu'hier, sont finalement arrivés, selon les informations que nous devons à certains des participants, c'est que presque les formations politiques invitées étaient toutes présentes, sauf la délégation du gouvernement, car du temps, elle était sur la liste des invités. Quel a été le message du médiateur à l'endroit des participants ce vendredi? Dans son allocution, le facilitateur Benjamin Mukapa a rappelé les 8 points qui doivent faire objet de réflexion. Il s'agit entre autres de l'accord d'Arusha, de la souveraineté nationale, les circonstances qui pourraient mener au retour des aides, le respect de la Constitution, l'abandon de la violence et les questions sanitaires. Les 8 points ont finalement été regroupés en 4 ans. Ensemble, en l'occurrence, la création des conditions favorables au retour des réfugiés, l'assainissement du climat politique, aux problèmes économiques et surtout qui concernent le secteur pour lequel les sanctions ont été prises par la communauté internationale et le retour au pays des exilés politiques. Le facilitateur dans le conflit burundais a souligné lors de l'ouverture que vu la situation sociopolitique qui est dans le pays, il faut arrêter le processus d'amendement de la Constitution prononcé au référendum pour la Constitution et revenir à l'esprit de l'accord d'Arusha. Pour le moment, les activités se déroulent dans les groupes. Il est constitué par les anciens chefs d'État, le deuxième est fait par le Ombudsman burundais, le troisième est constitué par le CNDD-FDD, le quatrième est formé par les partis politiques agréés de l'opposition et le dernier groupe est constitué par ce que le facilitateur a appelé « key players ». Il s'agit entre autres de Douassa Agaton, Benvenu Villa-Sadéric, Léonard Nyangoma et Léonce Ndinda Kumana. Dites-nous, Joseph, quel climat régnait en début de ce dialogue? Le climat était un peu tendu car la délégation du CNRED n'a pas été conviée aux cérémonies d'ouverture. La délégation de ce conseil, constituée par Dr Jean Inani, Bernard Vissekosa et Onésime Ndouimana, est passée à l'International Conference Center qui abrite ce dialogue, mais elle est vite reparti. Quant au secrétaire général du parti CNDD-FDD, il a réaffirmé la position de son parti qu'il ne compte pas rencontrer ce qu'il appelle putschistes. Selon le facilitateur Mireille, le nouveau round du dialogue va prendre fin ce dimanche sur une sorte de résolution sanctionnant les activités de ce dialogue. Joseph Sabiabandi, envoyé spécial de la rédaction Isanganiro à Arusha, en Tanzanie. L'année 2016 a été turbulente pour les migrants. Le coordinateur résident AI du système des Nations Unies l'a dit ce vendredi lors de la célébration de la Journée internationale des migrants. Il promet que les Nations Unies continueront à appuyer le Burundi dans la mise en œuvre de la politique nationale des migrants. Pour répondre aux propos du secrétaire général de l'ONU, à l'occasion de la Journée internationale des migrants, 2016 a été une année turbulente pour les réfugiés et les migrants. Nous avons été témoins de la perte inacceptable de milliers de vies de personnes en transit en Méditerranée et ailleurs. Nous avons aussi assisté à l'émergence de mouvements populistes qui cherchent à aliéner et expulser les migrants et les réfugiés et de les blâmer pour divers maux de la société. Nous avons également assisté à une réponse internationale prometteuse qui a culminé avec la déclaration de New York adoptée en septembre dernier lors du sommet des Nations Unies pour les réfugiés et les migrants. C'était la première fois que l'Assemblée générale avait appelé à un sommet au niveau des chefs d'État et de gouvernement sur les grands mouvements de réfugiés et des migrants et constitué une occasion historique d'élaborer un plan pour une meilleure réponse internationale. La déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants exprime la volonté politique des dirigeants mondiaux de sauver des vies, de protéger les droits et de partager les responsabilités à l'échelle mondiale. Le Burundi est résolument engagé dans ce processus avec l'adoption en 2015 de la politique nationale de migration qui gouverne toutes les interventions du gouvernement sur les questions migratoires. Tout comme l'OIM, l'équipe PAY des Nations Unies continuera avec la contribution de tous nos partenaires au développement du Burundi à appuyer le gouvernement dans sa quête inlassable de solutions afin de relever les défis que pose la migration au niveau national et régional. Et nous parlons éducation avec cette correspondance de Jean-Pierre Missago qui nous parle de la fermeture de la section gestion des écoles privées de Rumonge. Adrien Savouchimike, directeur provincial de l'enseignement à Rumonge, parle de la mise en application d'une décision ministérielle contre ces écoles qui avaient ouvert ces sections sans l'autorisation du ministère de tutelle. Jean-Pierre Missago. Le lycée étoile de Rumonge, de même que le lycée Bon Pasteur, sont les écoles privées de Rumonge concernées par la mesure. Certains, parmi les parents d'élèves, dénoncent ce qu'ils appellent la complicité de l'autorité scolaire à Rumonge, qui a attendu jusque vers la fin du deuxième trimestre pour appliquer la mesure, alors que ces sections avaient été ouvertes à ces écoles sans autorisation. Adrien Savouchimike, directeur provincial de l'enseignement à Rumonge, indique qu'il a mis en application la décision du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, fermant ces sections ouvertes en violation de la loi. Cependant, les élèves qui fréquentaient le lycée étoile de Rumonge n'ont pas à s'inquiéter outre mesure, puisqu'ils sont autorisés à aller poursuivre leurs enseignements dans la même section à d'autres écoles privées de Rumonge, car l'école est reconnue au ministère ayant l'éducation dans ses attributions. Pour le cas du lycée Bon Pasteur, le directeur provincial de l'enseignement à Rumonge informe qu'aucune école de Rumonge n'est autorisée à accueillir ses élèves, car l'école était théoriquement fermée depuis 2013. Ici, les parents n'ont qu'à se concerter avec le directeur qui affirme que l'école fonctionnait en consensus avec les mêmes parents. Jean-Pierre Missago de Rumonge, Radio Isanganiro. À la source, reportage. Dans le reportage de ce vendredi, on vous parle de la flambée des prix de certaines denrées alimentaires en province de Ruyigi. Et cela fait suite à la sécheresse ou aux pluies torrentielles qui ont endommagé certaines cultures pour la saison culturelle A. Et pour certains cultivateurs de la commune Gisuru, la saison culturelle B s'annonce aussi mal, puisque la pluie ne tombe pas suffisamment. Le directeur provincial de l'agriculture en province de Ruyigi conseille aux cultivateurs de planter les cultures qui résistent au changement climatique. Aubin Niyonkuru. Certains des cultivateurs de la colline Kabuyenge en commune Gisuru ne savent pas sur quel pied danser. Ils disent que la production n'a pas été bonne comme à l'accoutumée. Je pouvais récolter 2 à 5 sacs de riz. Aujourd'hui, je n'ai pu récolter que 10 kilos de haricots. Même en Tanzanie, certaines régions frontalières ont été touchées par le soleil accablant. Par exemple, à Kisukuma, les vaches sont mortes. Le soleil s'est aussi manifesté à Kibondo, Gatanga et Gwanumbu. Cela a eu comme effet la montée des prix des denrées alimentaires. Un gobelet d'un demi-kilo de haricots coûtait 200 francs. Il s'achète aujourd'hui à 600 francs. Un gobelet de riz est passé de 600 francs à 1000 francs. Autrefois productive, cette localité avait ces derniers temps accueilli les gens en provenance des provinces où la famine s'est déjà déclarée, comme à Muyinga ou à Kirundo. Mais aujourd'hui, la vie y est aussi chère. Le chef de la colline Kabuyenge, dans la zone Ndemeka, Liber Birarama, soulève un autre défi qui concerne les gens en provenance des autres régions qui viennent s'approvisionner dans cette zone. La colline de Kabuyenge était productive. Même les commerçants des autres provinces comme Ngozi, Gitega venaient s'approvisionner ici à manioc et haricots. Cette colline de Kabuyenge connaît aussi une démographie galopante. Les gens en provenance des autres provinces viennent s'installer ici, de se croire. Nous sommes près des camps des réfugiés burundais qui sont en Tanzanie. Ces réfugiés envoient les gens ici pour venir leur chercher des vivres. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Ruyigi recommande aux cultivateurs